Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton. Tome 4, supplément. Question 90. De la forme du Christ au jugement dernier. Le Christ viendra revêtu de sa forme humaine et environné de l'éclat de sa gloire. Les méchants le verront sans éprouver aucune joie. 1. Le Christ jugera-t-il sous sa forme humaine? On lit dans Saint Jean 5, 27, Dieu lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme, et dans Job 36, 17, votre cause a été jugée comme celle d'un impie, vous recevrez le droit de la revoir et de juger à votre tour. Condamné, dans sa nature humaine, par Pilate, il convient que le Christ, revêtu de cette même nature, oppose un jugement équitable à une telle iniquité. Le pouvoir judiciaire lui appartient par droit de création et de rédemption, mais, les biens que nous tenons de la création ne suffisant pas, à cause du péché originel, pour nous conduire à la vie éternelle, la rédemption doit nécessairement apparaître au jugement final, qui aura pour but l'admission des élus dans le royaume des cieux et l'exclusion des réprouvés. Il est par là même dans l'ordre que notre Seigneur préside à ce jugement dans sa nature humaine, à l'aide de laquelle il nous a rachetés, c'est pour cela que saint Paul écrivait, « Le Christ est mort et ressuscité, afin d'exercer un empire souverain sur les morts et sur les vivants. » Romains 14, 9. Saint Pierre disait pareillement, il a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Actes des Apôtres, 10, 42. Le Christ a confirmé lui-même cette vérité par cette parole, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Note. La puissance judiciaire réside d'abord en Dieu, et spécialement dans le Père, source de la divinité. Elle passe du Père au Fils, non seulement de toute éternité, selon la nature divine, mais encore dans le temps, selon la nature humaine, avec laquelle le Christ l'a mérité. Cet ordre nous est clairement montré dans la vision du prophète Daniel, où nous lisons, l'ancien des jours était assis, et voilà qu'avec les nuées du ciel venait le Fils de l'homme, il s'avança jusqu'à l'ancien des jours, et il en reçut la puissance, l'honneur et la royauté. Daniel 7, 9. Fin de la note. 2. Le Christ apparaîtra-t-il avec la gloire de son humanité? Dans ses paroles, ils verront alors le Fils de l'homme venant dans la nuée avec une grande puissance et une grande majesté. Luc 21, 27, la puissance et la majesté désignent évidemment l'état de la gloire. Le titre de médiateur convient au Christ, qui, réunissant en sa personne deux extrêmes, représente par sa nature humaine les hommes auprès de son Père, en même temps que, comme Dieu, il leur transmet les dons qu'il reçoit lui-même de son Père. Si donc, dans son premier avènement, où il venait satisfaire pour nous, il dut se montrer dans l'infirmité de notre nature, dans le second, où il exercera la justice de son Père, il devra faire éclater sa gloire, et pour cela il paraîtra dans sa forme glorieuse. Note. La croix attestera tout à la fois sa grande miséricorde et l'injustice de ses persécuteurs. Les cicatrices de son corps diront par quelle souffrance et par quelle puissance il a triomphé de ses ennemis. Les autres signes de sa passion rappelleront les ignominies de sa mort. Supplice pour les méchants, sa gloire sera la source d'une grande joie pour les bons. Ainsi le triomphe d'un ami, qui nous cause une grande satisfaction, devient le tourment de ses ennemis. Fin de la note. 3. Les méchants pourront-ils voir la divinité sans joie? Personne ne peut voir Dieu, la vérité et la bonté par essence, sans éprouver de la joie. Aussi est-il écrit, la vie éternelle consiste à vous connaître, vous, le Dieu véritable. Jean 17:3. C'est pourquoi, bien que les méchants, au jugement dernier, sachent, par les signes éclatants qui se produiront à leurs yeux, que le Christ est Dieu, ils ne verront pas sa divinité même. Question 91. De l'état du monde après le jugement. Le monde sera renouvelé, une clarté nouvelle embellira les astres, et tous les éléments, il n'y aura plus ni plantes, ni animaux. 1. Le monde sera-t-il renouvelé? Saint Jean dit, « Et je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Apocalypse 21:1. Il faut que la demeure soit en rapport avec les hommes, glorifiés qui l'occuperont. Parvenu à l'état de gloire, l'homme, il est vrai, n'aura besoin des créatures ni pour l'entretien de sa vie corporelle, ni pour avancer dans la science divine, son corps sera entièrement incorruptible, et son âme verra Dieu à découvert, mais, incapable de s'élever à la vision de l'essence divine, l'œil du corps en devra contempler les reflets dans les merveilles de la création matérielle, il considérera l'humanité du Christ, le corps des saints ensuite, et enfin tous les autres corps. Il faudra, par conséquent, que tous les corps soient généralement plus empreints qu'ils ne le sont maintenant des rayons de la divinité, afin qu'ils en reproduisent davantage la perfection et la gloire. Voilà la rénovation du monde. Donc, puisque l'homme sera glorifié, le monde sera renouvelé. 2. Le mouvement des corps célestes cessera-t-il? Il est écrit, l'ange jura, par celui qui vit dans les siècles des siècles, qu'il n'y aura plus de temps après que, à la résurrection des morts, la septième trompette aura sonné. Apocalypse 10:6. Si le temps n'existe plus, les astres auront cessé de se mouvoir. Prétendre que le mouvement du ciel durera toujours, ce serait contredire la foi, qui nous enseigne que Dieu a déterminé le nombre des élus, car, puisque les générations humaines doivent finir, il en est nécessairement de même des choses qui s'y rapportent. À cela il faut ajouter que la cessation du mouvement des corps célestes s'accomplira par un acte de la volonté divine, et non par les lois de la nature. 3. La clarté des corps célestes sera-t-elle augmentée dans la rénovation du monde? La lumière de la lune, dit le prophète Isaïe, 30:26, brillera comme la lumière du soleil, et celle du soleil sera cette fois plus grande. Nous l'avons dit, la rénovation du monde aura pour but de manifester avec plus d'éclat, par la magnificence déployée au regard de l'homme, la présence de Dieu. Or, ainsi que le marque cette parole, la clarté des étoiles et la beauté des cieux. Ecclésiastique 43:10. Les corps célestes se distinguent surtout par leur lumière. Il faut induire de là qu'ils seront perfectionnés dans leur clarté même, afin que cette autre parole se vérifie, par la grandeur et par la beauté de la créature, le Créateur pourra devenir visible. Sagesse 13:5. Quant au mode et au degré de ce perfectionnement, celui-là seul les connaît qui en doit être l'auteur. Note. Quelqu'un dira peut-être que l'homme est si petit en comparaison des corps célestes, que Dieu n'a pas pu se le proposer pour fin dans la création du ciel, que, dès lors, il ne convient pas que les astres soient perfectionnés pour lui. Les corps célestes, il est vrai, dépasse incomparablement en grandeur le corps humain, mais l'âme raisonnable l'emporte infiniment sur eux. Cela étant, ils ne répugnent pas qu'ils aient été faits pour l'homme. Ce n'est pas que l'homme en soit la principale fin, la fin principale de toute chose n'est autre que Dieu même. Fin de la note. 4. Tous les éléments seront-ils renouvelés par la clarté de la gloire? J'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle. Apocalypse 21:1. De même que, dans cette rénovation suprême, les âmes humaines recevront les qualités des esprits supérieurs et seront comme les anges du ciel, de même aussi les corps inférieurs, participant aux propriétés des corps célestes, deviendront lumineux et transparents. Sans être tous doués du même éclat, ils seront tous perfectionnés selon le mode de leur être. La terre imitera le verre, l'eau, le cristal, l'air, le ciel, le feu, les luminaires du firmament. 5. Les plantes et les animaux subsisteront-ils dans le monde renouvelé? Il n'y aura dans le monde renouvelé ni animaux, ni plantes, la vie animale de l'homme n'y existera plus elle-même. Or, la faim cessant, ce qui s'y rapporte doit cesser pareillement. Tout y sera en harmonie avec notre corps revêtu de l'incorruptibilité et de l'immortalité. Question 92. De la vision de l'essence divine. L'intelligence humaine verra l'essence divine. Les yeux du corps participeront en quelque façon à cette vue de Dieu. Les plus grands saints éclaireront les autres. 1. L'intellect humain peut-il parvenir à voir Dieu dans son essence? On peut démontrer par l'écriture et par la raison qu'il est possible à l'homme de voir Dieu dans son essence. Nous le voyons maintenant comme dans un miroir et en énigme, disait saint Paul, mais alors nous le verrons face à face. 1 Corinthiens 12, 12. Ce qui est vu face à face est vu par essence. Saint Jean ajoute, lorsqu'il apparaîtra, nous lui serons semblables, et nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. Donc nous le verrons dans son essence. Le Seigneur lui-même a dit, si quelqu'un m'aime, il sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Jean 14, 21. Les saints désirent tous voir Dieu par essence, comme le marquent ces différentes expressions, « Montrez-moi votre gloire » Exode 32, 18. « Montrez-nous votre face, et nous serons sauvés » Psaume 69, 20. « Montrez-nous le Père, et cela suffit » Jean 14, 8. Un tel désir ne peut pas être entièrement frustré. L'acte intellectuel étant ce qui caractérise l'homme, il faut nécessairement que notre béatitude s'accomplisse dans une opération de l'esprit. Or, si l'homme, dans l'opération la plus parfaite de son intellect, ne pouvait parvenir à voir l'essence divine et s'arrêtait à contempler quelque chose qui n'est pas elle, cette chose, et non Dieu même, ferait sa béatitude. Et comme la dernière perfection d'un être consiste à se réunir à son principe, il s'ensuivrait que l'homme n'a pas Dieu pour principe, conséquence absurde. Donc l'intellect humain peut parvenir à la vision de l'essence divine. Comment cela se fera-t-il? L'essence divine elle-même, s'unissant à notre esprit, sera tout à la fois et l'objet perçu et la forme par laquelle notre intelligence entrera en exercice. L'union de l'âme avec le corps est une sorte d'exemple de la bienheureuse union qui rattachera notre esprit à Dieu. Note. Il n'est pas nécessaire que notre intellect et l'essence divine deviennent un seul être, il suffit qu'ils soient un dans l'acte intellectuel. Dieu ne sera plus connu, comme maintenant, au moyen de formes étrangères. Et pour ainsi dire, à travers un miroir, c'est dans l'essence divine elle-même que notre intellect le verra, et c'est ce que l'Écriture appelle voir sa face. L'âme raisonnable, dit très bien le Père Gratry, a été créée pour voir Dieu, Dieu même en essence, comme l'aigle, dit-on, pour regarder le soleil en face. Supposez un aigle sur le bord d'un lac où brille l'image du soleil, l'aigle peut se borner à regarder l'image sans reporter son regard vers l'objet. Il peut prendre son vol vers l'image et se précipiter dans le lac, où aussitôt il cesse de voir et, du même coup, perd l'image et l'objet. Il peut encore, excité par l'image, lever le regard, déployer ses ailes et diriger son vol droit vers le soleil même, comme attiré par les rayons que boivent ses yeux. C'est ce que font les aigles, et c'est ce jeu sublime et cet élan vers la source de la lumière qui a charmé les hommes, et a valu au roi des airs cette gloire d'être le poétique symbole des sublimités de l'esprit. Ainsi du regard de l'âme, notre âme est à la fois l'aigle et le lac. Tantôt nous regardons le lac stupidement sans distinguer l'eau même des rayons de lumière qu'elle envoie, sans distinguer la mobile surface de la forme immobile de l'image, toujours sphérique sous les rides de l'eau. Enfin l'âme, excitée par l'éclat du reflet et par le contraste du lac obscur, mobile, et de l'étincelante et immuable image, peut conclure que le lac n'est pas l'objet, mais le miroir. Elle peut lever le regard et saisir le rayon direct au lieu du rayon réfléchi, et comme elle a des ailes aussi, bien plus puissantes que celles de l'aigle, elle peut prendre son vol, aller vers le divin soleil, non plus en jouant comme les aigles, mais d'un élan réel qui aboutit et s'unit au principe de la vie. Car l'aigle, dit saint François de Sales, a plus de vue que de vol, mais l'âme, aidée de Dieu, a autant de vol que de vue. L'œil, c'est la raison, le rayon réfléchi, c'est la lumière naturelle, et le rayon direct, c'est la lumière surnaturelle. L'homme naturel est l'image de Dieu, et l'homme surnaturel, c'est l'homme uni à Dieu, c'est Dieu rentrant dans son image, c'est Dieu vivant lui-même, par sa réalité substantielle, dans chaque trait de l'image, mettant par sa venue le sens divin surnaturel dans le sens divin naturel, l'élan divin surnaturel dans l'élan naturel de la raison vers l'immuable et l'infini, et mettant l'infini lui-même dans les idées de l'infini. Confère Père Gratry, de la connaissance de Dieu. Fin de la note. 2. Les saints verront-ils Dieu des yeux du corps? Ni la divinité du Père, ni celle du Fils, ni celle du Saint-Esprit, dit saint Jérôme, n'est accessible aux yeux de notre corps. Saint Augustin reprend, dans cette vie, personne n'a jamais vu Dieu tel qu'il est, dans la vie angélique, personne ne le verra non plus avec les yeux du corps, comme nous voyons les créatures visibles. Notre œil ne saisira pas Dieu à la façon d'un objet visible de soi, mais, ravi de l'immensité de sa gloire qui brillera dans le monde matériel, dans les corps des élus, et spécialement dans celui du Christ, il le percevra d'une manière indirecte, comme, à travers la parole, on voit la vie d'un homme. Loin de combattre cette sorte de vision corporelle, saint Augustin s'exprime ainsi, il est fort croyable que, dans les corps du ciel nouveau et de la terre nouvelle, nous verrons, à travers une clarté transparente, Dieu présent partout et gouvernant tout, non plus comme ici-bas, où ses perfections invisibles se dévoilent à notre intelligence seule, mais de la même manière que, sans hésiter et sans discourir, Nous voyons que l'homme qui marche devant nous est vivant. Note. Quoi qu'il en soit, ce mot de Job, 19:26, mon œil vous voit, s'entend de l'œil spirituel. Cet autre, je verrai mon sauveur dans ma chair, signifie, je serai dans ma chair, quand je verrai Dieu. Fin de la note. 3. Les saints, en voyant Dieu, voient-ils tout ce que Dieu voit? Il y a en Dieu deux sortes de connaissances, l'une, par laquelle il connaît tout ce qui est, a été et sera, est appelée connaissance de vision, l'autre, nommée connaissance de pure intelligence, embrasse tout ce qu'il pourrait faire. Il est impossible qu'une intelligence créée connaisse toutes les choses que Dieu pourrait réaliser, nul ne peut comprendre sa puissance. Quant à ce qui fait l'objet de sa connaissance de vision, l'âme du Christ le voit dans le Verbe, mais il n'en est pas ainsi des autres intelligences, qui lisent dans l'essence divine d'autant plus de choses qu'elles la contemplent plus parfaitement. On conçoit de la sorte non seulement que l'une puisse instruire l'autre, mais que la science des anges et des saints puisse s'accroître jusqu'au jugement, comme tout ce qui a rapport à leur récompense accidentelle, tandis qu'après le jugement il n'en sera plus de même, car chaque intelligence sera parvenue à son état définitif. Peut-être toutes connaîtront-elles alors ce que Dieu sait par sa science de vision. Note. Conformément à cette parole, la clarté de Dieu illuminera la Jérusalem céleste, et son astre sera l'agneau. Apocalypse 21:23, l'âme du Christ illuminera toutes les autres. Les esprits supérieurs éclaireront à leur tour ceux d'un rang moins élevé, et cela par une sorte de lumière continue, que l'on pourrait comparer à la clarté du soleil illuminant les airs. Si le soleil paraissait immobile, de là ce mot, ceux qui en auront conduit plusieurs dans les voies de la justice, brilleront comme des étoiles dans l'éternel séjour. Daniel 12:3. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.